qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toujours avec le fond la forme. Ok. Écoute. J'ai du mal à garder la tête sur les épaules. J'vois plus ma bonne étoile, une chance sur deux que je finisse con et pauvre. Putain, j'ai les oreilles qui sifflent quand les souvenirs m'appellent. Toujours les yeux ouverts face au passé quand je sens revenir ma peine. J'encaisse les coups grâce à l'amour, tout comme une femme battue. Oui, rêver ça fait vivre, mais c'est pas grâce à ça qu'on fera de la thune. Y'a du talent, c'est le manque de chance qui fait qu'on perce pas. Ma bonne étoile s'est tailladée les veines avant que mon père parte. Je sais pas relativiser, c'est ce que les gens me disent. L'espoir m'invite souvent à venir jouer au foot sur un champ de mine. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise quand les soucis s'amènent par? J'ai buté la confiance, la fausse parole des gens ça m'aide pas. Je garde le sourire même si je sais que le mur est assez proche. L'argent nous fait défaut, faut faire gaffe à ses proches et à ses poches. Je suis juste un gars qui depuis 10 ans derrière lui laisse des titres. Avec le fond, la forme, j'avance tout seul, tout comme la S des clics. J'ai pas la science infuse, donc c'est dur de se taire quand la peine monte. J'suis comme toi, je voudrais les euros, la maison et la belle blonde. Y'a rien sans rien, si je veux tout ça, faudra y mettre le prix. C'est là pour sous la vie, le shit ou là, ça sème de maître Gims. Le quotidien me bouffe avec des grosses carottes, gars. Ma fille, ton rêve devient cauchemar si les roues du carrosse cassent. C'est whisky, vodka, tout le monde se seum, fête là. L'amour du riz, si ta copine commence à mentir, jette là. J'ai la vision large, même aveuglé par les sunshine. Mec, ici c'est Paname, ça n'empêche pas que la nuit des jeunes chiales. J'parle pas de la rue, c'est juste un truc qui sert qu'à faire mal. On s'en sort quand même bien, les CRS, c'est pas la Wehrmacht. Un constat verbal, mon cœur devient verbal. J'm'éloigne des bâtiments, ça me conduira sans doute pas vers le pav. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ma bonne étoile revient, ça sera fini les chansons tristes avec les voix de meufs en refrain. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone, the face I came to know is missing too. When you're gone, the words I need to hear to always get me through the day and make it okay. I miss you. Ghetto, ghetto, rockstar. Original, Bunker Bros, Platine Record. Ok, 2012 c'est pour l'éternité.